mwana mwana na lakisa yo nyonso oyo yebi banyonso ngana yebi. Je m'appelle Roga Roga Messi, le grand Zamboule, Zébira Zatatatou, suprême lampadaire, c'est moi. Papa Jean-Baptiste Diangé, Athanase Makaya, ABG Vincent Gomez, le baliseur, Seria Kamalibou. Nègre les couleurs, ne se discute pas, Eleni na Malangi, et soit na Makate. Privan de Ké Oyoya Betty, Bruno Dika. Nègre les couleurs, ne se discute pas, Eleni na Malangi, et soit na Makate. Et merci Boris Chamalier, Vital Kamere. Mokirito Yamaka Meleki Miki. Basusuna basi, basusuna bozui, basusuna mama, basusuna disengo. Jean-Marie Lukulasi, Dominique Ngwabi, Prince Dombele. Yoko luko yeba tina nini monina alingi. Yeba ukopela kila usuka na kabando. Ukolinga ya moto kaka ye mungwa yebitina. Na la vile chouette individuelle. Moto asala kashwa na ye paraport a paraport. Okope kisa moto kuna ye oye bitina te. Mwa tolerance ezala na mokili ya Nzambe. Sulara lingaka masaka. Weza kuna ye. Ekongola lingaka kravate. Weza kuna ye. Mwa siandumba sangisaka mibali. Weza kuna ye. O musicien lingaka mandane. Weza kuna ye. Mama kilwa linga ba jeno. Weza kuna ye. Barabase pomba poraka mabende. Weza kuna ye. Biso ba kretia to linga lusamo. Weza na popo manzatu, natika mokilo yo. Na popo manzatu, natika mokilo yo. Kuna ye. Hey, Claudine Monari, Celestine Kwa Kwa. Na popo manzatu, natika mokilo yo. Na popo manzatu, natika mokilo yo. Anisette Makwala, Londri Ewenge. Oh, kope kisangana linga extra musica. Boye vitre bien keze si kanga na lesaka famille. Na popo manzato, na tika mokilo yo. Na popo manzato, na tika mokilo yo. Onaye. Otika Sergio A, Sergio Mbeto. Oh, kondia peki si mwana na ya linga mobola. Aye bi très bien que bi lengya mwane zala kakuna. Ako kumanza tu, hatika mokilo yo. Ako kumanza tu, hatika mokilo yo. Una ye. Wivine moleka, brele yuka. So kiba peki singana linga ya pole malie. Oye bi très bien que ye montwa zala katenga na zala. Ako kumanza tu, hatika mokilo yo. Ako kumanza tu, hatika mokilo yo. Colonel Mongolais, Ferriol Gassakis. Oh, Kope Kisaberto Bilia, Linda Ya Syria. Oh, Yebi, très bien, Kaza, Papa Ya Banana Yege. Ako Bomansatu, Hatika Mokilo Yo. Ako Bomansatu, Hatika Mokilo Yo. Onaye. Eh, Nabosani Ote, Foster Eleli. Soki Bobe Kisingana Linda, Kola Remia Yayos. Oh, Yebi, très bien, Kaya Salisa, Kangana Tango Ya Pasi. Ako Bomansatu, Natika Mokilo Yo. Tony Kanungo, ya Henri Osei. Ce qui m'a fait qu'ici Gilles Rondoua, l'inga Aniopa. Boye bi très bien que Zali Mamba, ya banana ye. Ako Bomansatu, Atika Mokilo yo. Ako Bomansatu, Atika Mokilo yo. Ona ye. Général René Bokasso. Qui bon peki si gaya linda Michel Ngueso. Boye bi très bien kasa mama ya banana ye. Ako Bomansatu, Atika Mokilo yo. Ako Bomansatu, Atika Mokilo yo. Ona ye. Bira la bira, Duka Yondi et Madidol. Boko peki sa medar milandwa linga extra musica. Boye bi très bien kasa seul orchestre mon nana na Congo. Ako Bomansatu, Atika Mokilo yo. Rosette Danga, Rosine Kamango. Soki bope kisinga na linga Benina Tarajinya. Boye bi très bien ke baza banana ngana linga kamingi. Na popo manzatu, na tika mokilo yo. Na popo manzatu, na tika mokilo yo. Una ye. Le Benjamin du Parlement, Serge Bouya, honorable Wapi Sylvie. le conseiller président Mobali Banda, CTH, Habib Tirinote, Jean-Claude Kakou, colonel Ombili Michel, Richel Bassila, président Fred Mamona, Maurice Lecoude, Ruffin Bouka, honorable Willy Matianga, et Jean de Dieu Kourissa, honorable, Emmanuel Saïr Breno Nabia, Brigitte Konga Wapi Annick Golondele, Jean-Baptiste Antaï, Focus le pétrole, Didier Franck Nachetemba, Mariam Issa, Esther Séduction, Maman Gogo, Serge Kémy, BGFI, Okaso Kana, Colonel Tiendiel Ambabouya, Benito Amouzou, Médard Bombo, Léopold Tatié, André Ongana. Ce qui va faire qui signe la ligne, général Kabira Nobert. Voyez vite bien que grâce à Yenga, on a les cacana à Kerr TV. Colonel Ayela, Véo. Boko Peki Sarno Ambalinga, plus sec sa sou. Voyez vite bien que ça moi sina ya bala la tisa lopete. Mon fille de Yoka, Oloya Ingrid Ndake. So qui va bec qui singa na linga Claudia Sasuikia. Voyez vite très bien qui a sa moté maman la moi wana Congo. Yves Gatti, Magali Itoua. Boko Peki sa Maxel Mbalinga, Florence Badio. Voyez vite très bien qu'il y a sa maman, il y a David Lema, mon ami. A propos, ma